Quand je parlais de quand, tout ce que quand toi on était dans la chambre quand il te parlait, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu permets que je parle. Donc quand il parlait comme ça, j'espère que ça ne t'a pas dérangé alors. Non, tu m'as pas dérangé parce que je connais déjà. Je connais déjà. Et moi, je ne suis pas dans cette finale-là, quoi. Mais il y a une qui me commande pour le faire. Et le fait de ce que je n'ai pas pu le faire. Et toi-même, je me reconnais pour ça. Je me reconnais pour ça. C'est le moment où, même si je suis à la maison, je commence à parler. Moi, je vais aller comme ça là, parce que je m'habille comme ça là, mais arriver là-bas, et moi-même, je commence à me gêner. Oui, même quand tu t'habilles pour imiter, tu sais que ce n'est pas bon. Non, on a fait comme les stars américains. Oui, tu commences à me gêner, quoi. Je commence à me dire, mais ça, c'est quoi ça? Que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas gênée pour ça. Mais quand je t'ai appelé, que tu veux, on peut, ça t'a dérangé aussi. Non, ça m'a pas dérangé. Et c'est ce que j'ai envie de dire sur mon salaire. C'est le même truc sur ma collègue qui travaille avec mon frère, qui travaille avec moi. Moi, j'avais dit que parce que comme le frère avait dit que non, Karine, je vais recevoir mon pasteur qui va venir du Cameroun, c'est ça qui va faire tout pour lui, demander, arranger, tout ça. Je lui ai dit que ok, c'est bon, c'est pas grave. Et après, il a dit que mon collègue, je suis tel que je suis là, je rassure que le pasteur, quand tu vas arriver ici là, il va aussi prier pour moi. Tout ce qui me dérange, ça sera plus dans ma vie. C'est ce que je l'avais dit. Je l'avais même dit hier. On va aller lui demander si on peut faire la prière ensemble. Elle avait refusé. La collègue que elle avait refusé. Elle a refusé. Je lui ai dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Quand on est en train de rentrer, je vais aller lui demander de prier pour moi. Et c'est mon frère. Moi, j'avais même dit sur une petite fille qui travaillait là. Je lui avais dit que moi, tout son frère va arriver ici là, il va prier pour mon sujet. Et tout ce qui me dérangeait, va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tel que moi, je connais déjà. Parce qu'il y avait le pasteur aussi là où je suis. Parce qu'il avait revenu de Cameroun ici, il était là-bas, et en fait, il m'avait dit ça. Même là, le mois passé, là, parce que là, il y avait un pasteur qui était là-bas, il avait même demandé chez notre pasteur pour l'aider la fille, parce qu'il y a des sérieux problèmes dans sa vie. Donc, il faut l'aider. Il avait prié pour moi, il a prié, après, comme le jour était reparti, on s'est plus vu avec lui, il était parti, donc j'étais restée. Et moi-même, je connais, c'est mon frère qui me fait ça. C'est mon propre frère. Il est où ton frère? Il est là seulement. Mon frère, parce que lui, il avait dit, je ne peux pas me marier, parce que il y a un moment que je fais au moins 3 ans, 4 ans, je n'en ai pas de copain. Le passage seulement, il vient, il m'ébrale, il part, il commence à faire du sérieux avec moi. Ça casse. Il a commis sa casse. Il part sans problème, sans problème. Et après, moi-même, je commençais à gêner à la maison. Je faisais mes jeûnes, prier. Je commençais à pleurer. Donc, tel que je suis là, je ne concevais pas. Je n'ai pas perdu. Ça va aller, d'accord? Je n'ai pas fait des avortements, non, je n'ai pas encore fait aller dans l'hôpital là-bas, me gratter, prendre le médicament, pas devant Dieu. Je n'ai pas fait ça, mais je ne peux pas concevoir. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait tous mes examens, on m'a dit qu'il n'y a rien. Et après, j'ai commencé à aller chez le maman qui fait des trucs là. J'ai commencé à faire, et après, en dormant, j'ai vu ma soeur. Elle est en train de me parler. En dormant la nuit, elle m'a dit qu'il faut plus aller chez les mamans qui donnent le truc là. Faut laisser. Parce que ce sont les mêmes personnes qui te dérangent. Donc, faut laisser les trucs là, aller chez les mamans, tout cela que j'avais coupé, pour aller chez les mamans. Et la maman, là, parce que. Non, tu peux finir avec lui, tu reviens. Non, c'est bon. Finis avec lui d'abord. Et après, je l'ai fait à lui, maman là. Maman là où on vit là. sa maman en question, c'est elle qui m'avait vu, oh, moi je te vis, tu as des aspects de zone, je te vois comme ça, elle commence à me parler. Mmh. Et après, moi je refusais, je me disais, non, j'en ai pas. Et après, elle m'avait dit, oh, je vais te soigner, je vais te donner le calabas qu'on fait, tout cela. Mmh. Vous savez, elle m'a donné ça la nuit, elle commence à me tenir, mais. D'appuyer. Cet enfant-là va sortir, cet enfant-là va sortir. Le matin, je me réveille comme ça, là, les sangs commencent à me couler, ça mmh. là. Donc, on est, elle est plutôt envoûtée. Mmh. Donc, le tous les jours, là, la maman en question, elle veut me parler. Mmh. Elle veut, même si je dis quelque chose de bon, devant elle, elle voit que non, mauvais. Mmh. Donc, elle me rend sa marque, mais moi, je me force. D'être bien avec parce que c'est une maman. Mmh. Elle ne veut pas. Mmh. Et après, il y a un jour, je me suis réveillée. Comment ça me dirait hein? Toi là, hein, tous les jours, quand tu te réveilles, ton visage là change de qualité. Mmh. Aujourd'hui, je vois ces mêmes morceaux. Mmh. Hier, je t'avais vu, ta tête était comme ça là. Avant, mmh. hier, c'était quoi? Tu m'avais dit que tu n'avais pas de. La tête n'avait mmh. pas. Mmh. Moi, je m'avais dit que ça veut dire. Oh non, je vais te faire le travail. Je lui dis, laisse tomber. Mmh. Je veux rester que comme ça, que tu me vois la nuit, tu me vois la journée, tu me vois la nuit. Tu me laisses seulement comme ça. Mmh. Et après, on se coupe avec elle. Et après, je n'arrive pas à concevoir. Mmh. Ça va aller maintenant. Mais il faut que tu mettes ta vie en règle. Ouais. D'accord. Maintenant, comment on a prié? Dis-moi, quand on a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais mes mains. Mmh. Mes mains. Il n'était pas là, donc mm-hmm. c'est comme si on m'avait coupé ça. Mm-hmm. C'est comme si on m'avait coupé les mains. Mm-hmm. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui mm-hmm. ne voulait pas sortir, mm-hmm. rester. Mm-hmm. Ce que je sentais. Et après, je commence à sentir des doucement en oui. moi, comme si mm-hmm. il y a quelqu'un qui est venu actif hein? Dans ton corps. Dans mon corps. Mm-hmm. Et quand c'est sorti, tu sais que c'est sorti. Tu étais libre. Maintenant, et après, je me suis sentie, quand je me suis allongée, je me souviens de rien. Mmh. Et après, quand tu m'avais demandé de me lever, je me suis levée. Et après, c'est là où je sentais maintenant, mon corps est devenu léger. Léger. Mmh. Mon corps est devenu léger. C'est comme si il y avait quelque chose en moi, hein, quelque chose qui me dérangeait en moi. Et après, je suis sortie. Il faut remercier le Seigneur pour ça. Mais tu es dans une assemblée. Tu es dans une assemblée, le pasteur, pourquoi le pasteur n'était pas prié pour toi? Moi, notre pasteur, là, franchement, c'est un homme de Dieu. Mm. Mais pour ça, pour faire des trucs, des trucs, quoi, que je ne vois pas. Mm-hmm. Mais il y a plein de gens là-bas qui ont des problèmes comme ça. Il y a des pasteurs qui viennent mm-hmm. chez nous là-bas, c'est eux qui font les délivrances chez nous. Mm-hmm. Parce que déjà, il y a deux pasteurs qui étaient venus chez nous là-bas déjà. Ils m'avaient demandé aussi de vomir. Mm-hmm. Et le même jour, je n'avais pas vomi. Mm-hmm. La nuit. Mm-hmm. Je fais la diarrhée, je me suis informée. Mm-hmm. Je suis allée là-bas, je suis allée causer avec le pasteur en question. C'est lui qui m'avait demandé d'acheter lui de lait. Il m'avait demandé d'acheter lui de lait pour me nettoyer avec. Mm-hmm. Mais j'avais senti que ça a été quoi? Mm-hmm. C'était par rapport à avant comment j'étais. Ça a été. Et après, je n'avais pas à faire de marée de nuit toute mm-hmm. la nuit. Oui. Le mari de nuit, ça, c'est ça, mais non. Le mari de nuit vient seulement le jour mm-hmm. que je commence à avoir mes mains. Sinon, ça vient. Non, ça vient. Mm-hmm. Ça vient comme ça pour sucer le sang. Mm-hmm. Maintenant, au niveau du terrain, pendant qu'on priait, après quand je t'ai demandé d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Oui, je me suis. Même mes urines sont changées de couleur. Oui. C'est devenu jaune. Mm-hmm. Et après, j'ai sorti des saletés. Oui. Juste un peu seulement, mais mm-hmm. je me suis sentie au niveau de mes reins. Oui. Qu'il y avait quelque chose qui était là-bas, c'était sortir un peu. Mm-hmm. Donc, quand le frère Théba t'a dit qu'il y a son frère pasteur qui va venir ici, oui. quelque chose t'a dit dans ton oui, cœur. Oui, dans mon cœur, qu'il va faire quelque chose. Je te jure, Dieu est là, c'est moi. Mm-hmm. Oui, j'avais, il n'y a que Dieu qui est témoin de mm-hmm. moi. Mm-hmm. J'avais dit ça au fond de moi-même, que le pasteur qui va arriver, il va faire quelque chose mm-hmm. dont ma vie, tous mes problèmes, mes soucis, mm-hmm. va disparaître dans ma vie. C'est Amen. Ce que j'avais dit. Amen. Et maintenant, Dieu t'a visité, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ça va, toi, la vie intérieure s'est nettoyée. Maintenant, tu dois marcher, mais va accueillir tes clients et puis je vais te parler de la sainteté, d'accord? Mm-hmm. Donc tu as dit en toi que quand le pasteur va venir, tous mes problèmes vont passer. Maintenant, Dieu t'a libéré. Et tu vois que tu, quand on était en train de prier, tu es la première que le Seigneur a touché. La première. Il t'a libéré. Il faut toujours le remercier, d'accord? Maintenant, quand demain matin, quand la lumière va venir, il va te mettre des enseignements dans ta carte mémoire. Je ne sais pas si tu as la clé USB, tu as une clé. Oui, ça y est, à la maison. Voilà, donc demain en venant, tu viens avec. Tu es loin d'ici. Non, tu es sur moi là à côté. Donc tu vas venir avec la clé, il va te mettre les enseignements dedans, d'accord? Si tu as les cartes mémoire, je te mets les enseignements. Parce qu'il faut que tu écoutes les vrais enseignements et tu lis la Bible. Parce qu'en réalité, la chose de la Bible, là, tu n'es pas trop dedans. Non, ça c'est vrai. Je n'en ai pas dedans. Tu écoutes seulement aussi comme ça, tu écoutes comme ça. Tu aimes danser. Quand on fait des bruits à l'église, là, ça te plaît beaucoup. Tu danses, tu coules la sueur, tu fais comme ça. Donc, Karine, le Seigneur t'aime, d'accord? Le Seigneur t'aime. Tu sais, même quand tu veux faire quelque chose de mal, tu sais en toi que non, je ne dois pas faire ça. Mais tu te rends compte que tu faisais cela. Mais maintenant, ça fait s'arrêter. Le Seigneur a arrêté ça, d'accord? D'accord? Considère-toi maintenant comme une princesse du Seigneur Jésus. Et ta vie, tu ne dois pas livrer ta vie. Il y a un petit garçon que tu dois regarder. Qui c'est le petit garçon de qui? Qui est là? Suis attentivement. Il y a un garçon, il y a un homme qui a un garçon. Et qui ça? Cet homme-ci qui t'approche, qui est grand de taille, c'est qui? Ça va avec lui? C'est ce que j'ai envie de dire, non, parce que j'ai pas envie d'aller. Tu vois? J'ai envie de prendre, donc rester comme ça là. Quelqu'un, c'est des moments où ça me faisait mal. Ma famille ne comprend pas. Parfois, eux, ils pensent que moi, quand je suis comme ça, là, tous les gens sont derrière moi. Qu'on me donne de l'argent, qu'on me fait ceci, on ne rien du tout. C'est pour cela que moi et mon frère, là, ça marche. Parce que eux, ils connaissent que moi, quand je marche, les hommes derrière moi, ils me donnent de l'argent. Même si je dis. Alors que c'est pas faux. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu es fidèle à une seule personne. Donc, c'est pour cela qu'eux pensent que moi, quand je suis comme ça, là, quand je m'appuie, je sors. Tous les hommes qui sont dans la rue, là, c'est pour moi. Ils me donnent même si je dis que je n'ai pas l'argent. Même hier, quand j'étais là, quand j'étais venu te demander, vous savez, c'est quoi le question? Je me dis, non. Je me suis allée reposer à la maison un peu, je dis, je suis comme ça. Je me suis allée me reposer 5 minutes à la maison et après, je veux reposer. Maintenant, quand je suis arrivée à la maison là-bas, on dormait, j'ai tout dormi, c'est mon côté vers une heure comme ça. Je dors, je commence maintenant à regarder que je suis encore ici là où je suis. J'ai touché ici là, on a reposé avec mon collègue là. En repartant à la maison, notre père est là. Je suis rentrée, je vis un jeu. Un jeu de grande taille là. Commence à me suivre derrière. Et après, elle, c'est ce qui m'a dit que. Tourne-toi d'abord. Je me suis tournée, j'ai vu les jeunes en question avec un petit sac. C'est comme ça là. Il dit au moins, mais il veut quoi de moi? Il veut quoi de moi? Maintenant, le moment que je voulais me retourner pour lui dire que tu veux quoi, aussitôt il commence à me trancher ici là, dans le vent. Et aussitôt, je commence maintenant à crier, laisse-moi voir, mon ventre a fait quoi, laisse-moi. Il commence maintenant à me faire mal. Heureusement, il n'avait pas arrêté de me traîner dans mon ventre. Et après, je me suis réveillée comme cela. Je dis, même au plein midi, je fais quoi de mal? La nuit, c'est pareil. La journée, c'est pareil. Pourquoi? Je me suis réveillée aussi. Quand je suis sortie, je suis encore revenue ici là. Et après, quand je suis revenue ici là, j'ai mangé, j'étais déjà en haut là-bas, j'ai dit, ok, je ne veux pas le déranger, je veux rester, même après demain, je veux lui expliquer ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire, je ne sais pas de quoi que j'ai fait. Mes soeurs, mes frères ont des enfants, il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas, tu auras ton enfant, d'accord? Tu auras ton enfant. Tu vas voir la différence maintenant d'ici, je vais rentrer. Vendredi, d'ici vendredi, tu vas voir comment il y a la différence. Tu vas venir me dire chaque jour comment tu vas, d'accord? Maintenant, ça va totalement. Personne n'aura plus à déranger ta vie. Mais tu dois te consacrer au Seigneur. D'accord? Tu dois te consacrer au Seigneur. Tu dois finir, il y a les musiques du monde, là, les traces, et que tu dois arrêter. Et tu dois écouter seulement les enseignements, lire la Bible et se consacrer au Seigneur, d'accord? Tu es content maintenant? Je suis très content. Moi, je veux juste que Dieu puisse faire grâce à mes mères, parce qu'il y a celui qui aujourd'hui, parce que lui, ce qu'il était, il était allé chez le truc là. Il était allé apprendre. Tu étais riche, il avait fini. Du coup, il n'avait pas de travail. Il ne travaille pas. Même les autres qui ont fait derrière lui. On travaille. Ils ont pas travail. Lui, il travaille parce qu'il est où? Il est où maintenant? Il est parti se coopérer à la cité là-bas. Donc, parfois, s'il sort comme ça, il revient avec ce qu'il vient du tout. Bon, il faut lui dire, jeudi, s'il peut venir, on prie pour lui, d'accord? Donc tu ne peux venir. C'est pour cela, oui, parce qu'hier, je l'avais emmené ici, là, on était avec lui. Et après, quand j'avais monté ici, là, il y avait des gens, que sa vie ne marche pas, franchement, parce que moi... Non, si on est là en train de parler de la Bible, si tu es avec lui, il faut venir, là-bas, il n'y a pas de problème, d'accord? Même si toi, tu veux venir, tu viens. C'est pour cela que j'avais même dit que tout ce qu'il fait ne marche pas. Il marche rien, parce que moi je l'avais dit que non, je veux plus travailler dans le truc comme ça là. J'avais refusé ça. Si j'ai repris encore de travailler ici, parce qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire à la maison. Il sort le matin, la même année qu'il n'y avait plus à rentrer encore à la maison. J'ai pas là. J'ai dit prendre le son sur la barre. Quand tu arrives, là, tu me fais signe, je viens payer. Non, c'est toujours comme ça. Moi je l'ai dit que comme toi tu sais. Moi aussi, si je prie, soit aller regarder au moins comme de Dieu, pour parler de ta vie, on va. Mais lui-même, il est dans la même assemblée que toi. Oui, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Oui, il est un des piliers là-bas. Mais pourquoi tu fais que. Bon, de toute façon, on va laisser cela. On va prier pour lui d'abord. Jeudi, parce que vendredi matin, je suis à l'aéroport. D'accord? On va prier pour lui, ça va changer. Et je vais te laisser mon numéro du Cameroun. Vous avez WhatsApp? Lui il a ça. Vous savez, je vais te laisser mon numéro par derrière, tu vas me dire comment ça se passe. Il va trouver du travail, d'accord? Mais il doit lui parler. D'accord? Il faut lui parler. Parce que malgré qu'il soit à l'église, le style de vie du monde, là, c'est pas cela. Il ne joue pas, il ne fait pas comme on doit dire dans la Bible. D'accord? Donc malgré, on ne peut pas vivre avec Dieu comme ça, parce que soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Tu ne peux pas aller à l'église dimanche, samedi, soit vous êtes en boîte de nuit, vous sortez avec les copains, vous buvez le Heineken. Vous mettez le Heineken, ça finit. Tu prends un autre Heineken, ça finit. Tu prends un autre Heineken, ça finit. Est-ce que c'est normal? Même cet esprit-là, j'ai pris pour ça parce que c'est un esprit. Même moi, je me demande, c'est un esprit. Je suis une femme. Je ne peux pas être là, boire. C'est pas bon. Et tu bois, tu sais que c'est pas normal. Pour détruire. Et après, quand tu fais ça, à la fin, comment tu viens te bagarrer? Tu vois? Donc ça doit changer. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vais lui parler, parce que c'est le style de vie là. Quand tu fais comme ça, et puis tu vas à l'église dimanche, comme on dit, on commence à dire que tu es béni, tu es l'héritage de Dieu, tu as la grâce de Dieu sur toi, tu dis Amen, Amen. Mais tu t'habilles bien, tu sais, quand il est sable là, il est frais, et tu aimes ça. Mais à l'intérieur, il souffre. Personne ne sait qu'il a de souffrir, mais il souffre. Mais le dimanche, quand il s'habille bien, on sait que tout va bien, alors que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, c'est ça. Oui. Donc, on doit prier, ça doit changer, d'accord, mais vous avez besoin de conseils, donc je vais vous voir vous deux. S'il vient de, si tu rentres à la maison, tu lui dis qu'à l'hôtel, il y a un parti. Tu lui as parlé de moi déjà? Si, je lui avais parlé. Lui, pour ça, je ne peux pas refuser. Moi, je lui avais parlé, on est tous venus aussi. Vous pensez qu'il devait être dehors, hein? Tu es surpris que quand je suis à l'hôtel, je suis toujours allé dans la chambre. Tu es surprise. Comme je suis toujours dans la chambre. Vraiment. Moi, pour moi, déjà, je me disais avant que tu viennes, de moi-même, je me disais que quand le patient va arriver, ma vie va changer. C'est ce que je disais. Ma vie va changer, je vais me toucher, tout va. Même, je me disais que tu le fais. Il me dit, ah, non, c'est ce que tu dis. Je me disais, oui, je savais. Ah, tu es en train de lui raconter. Mais lui a dit que le pasteur va arriver, moi aussi je veux faire la prière avec eux. Je sais que ma vie va changer. Tout ce qui me dérange, va partir, va me laisser tranquille. C'est ce que je lui disais. Et après, quand je suis sortie de la rue, il m'a dit que c'est facile. ce que tu m'avais dit le jour là, c'est vrai. Ah, il entendait quand on priait. Il m'a dit que vraiment, tu avais raison. Je lui ai dit, c'est le truc qui m'avait déjà touché avant que. Ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La grâce de Dieu qui a mis la grâce. Donc, reste fidèle au Seigneur. Il faut que je vous conseille pour que vous restiez dans la parole de Dieu, d'accord? Donc, Dieu va te faire changer même de travail. Tu vas changer de travail, ton mari va trouver le travail. Parce que le travail que tu fais ici à l'hôtel n'est pas le travail d'un chrétien. D'accord? Entrer dans la chambre des gens, faire des choses, c'est pas normal, c'est pas bon, d'accord? Tu dois donner, tu vas avoir un bon travail. Mais ça, je ne vais pas faire ça. Moi, j'avais fait la restauration. Moi, quand je suis arrêté chez le patron, je lui ai dit que, comme j'avais mis là-bas, c'était un restaurant, hôtel, bar. Moi, je lui ai dit que j'ai fait la restauration. Donc, c'est pour moi rester au restaurant. Donc là, lui, il m'a dit que comme le restaurant va ouvrir le 4 mars, quand je commence d'abord à faire un secret, s'il y avait un chapitre de soi, parce que chez nous, là où on vit avec mon mari, on avait fait 3 mois. On n'avait pas l'argent pour payer. C'est pour ça que je me suis fâchée. J'ai dit non, je vais aller commencer à travailler, même si à l'hôtel, je travaille au moins jusqu'à le jour où je vais avoir le boulot. Je vais arrêter là-bas. C'est pour cela que j'étais venue travailler. Sans ça, je voulais plus travailler. On va prier, le Seigneur va vous donner, va te donner un travail nouveau et puis à ton mari, il aura aussi un autre travail, d'accord? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Je te prends. Oui. Que le Seigneur te bénisse, d'accord?